Et si vous aviez vécu, il y a 35 ou 40 ans, en Italie, ce nom suffirait seul pour vous dire ce qu'était l'homme dont vous vous inquiétez. Carlo Balzani était à cette époque le chanteur le plus fameux de toute l'Italie, et ses succès sur nos grandes scènes ont été célèbres. Il a chanté partout, à Naples, à Rome, à Milan, à Venise, à Florence, à Londres, à Paris. Mais il est venu un jour où la voix s'est perdue. Alors, ne pouvant plus être le roi des artistes, il n'a pas voulu que sa gloire fût amoindrie en la compromettant sur des théâtres indignes de sa réputation. Il a abdiqué son nom de Carlo Balzani et il est devenu Vitalis, se cachant de tous ceux qu'il avait connus dans son beau temps. Cependant, il fallait vivre. Il a essayé de plusieurs métiers et n'a pas réussi, si bien que de chute en chute, il s'est fait montreur de chiens savants. Mais dans sa misère, la fierté lui était restée, et il serait mort de honte si le public avait pu apprendre que le brillant Carlo Balzani était devenu le pauvre Vitalis. Un hasard m'avait rendu maître de ce secret. C'était donc là l'explication du mystère qui m'avait tant intrigué. Pauvre Carlo Balzani, cher Vitalis, on m'aurait dit qu'il avait été roi, que cela ne m'aurait pas étonné. Chapitre 20. Jardinier. On devait enterrer mon maître le lendemain, et le père m'avait promis de me conduire à l'enterrement. Mais le lendemain, je ne pus me lever, car je fus pris dans la nuit d'une grande fièvre qui débuta par un frisson suivi d'une bouffée de chaleur. Il me semblait que j'avais le feu dans la poitrine et que j'étais malade comme Jolicoeur après sa nuit passée sur l'arbre dans la neige. En réalité, j'avais une violente inflammation, c'est-à-dire une fluxion de poitrine causée par le refroidissement que j'avais éprouvé dans la nuit où mon pauvre maître avait péri. Ce fut cette fluxion de poitrine qui me mit à même d'apprécier la bonté de la famille Aquin et surtout les qualités de dévouement d'Étiennette. Bien que chez les pauvres gens, on soit ordinairement peu disposé à appeler les médecins, je fus pris d'une façon si violente et si effrayante qu'on fit pour moi une exception à cette règle, qui est de nature autant que d'habitude. Le médecin appelé n'eut pas besoin d'un long examen et d'un récit détaillé pour voir quelle était ma maladie. Tout de suite, il déclara qu'on devait me porter à l'hospice. C'était en effet le plus simple et le plus facile. Cependant, cet avis ne fut pas adopté par le père. Puisqu'il est venu tomber à notre porte, dit-il, et non à celle de l'hospice, c'est que nous devons le garder. Le médecin avait combattu, avec toutes sortes de bonnes paroles, ce raisonnement fataliste, mais sans l'ébranler. On devait me garder, on m'avait gardé. Et à toutes ces occupations, Étiennette avait ajouté celle de garde-malade, me soignant doucement, méthodiquement, comme l'eût fait une sœur de Saint-Vincent de Paul, sans jamais une impatience ou un oubli. Quand elle était obligée de m'abandonner pour les travaux de la maison, Lise la remplaçait. Et bien des fois, dans ma fièvre, j'ai vu celle-ci au pied de mon lit, fixant sur moi ses grands yeux inquiets. L'esprit troublé par le délire, je croyais qu'elle était mon ange gardien, et je lui parlais comme j'aurais parlé à un ange, en lui disant mes espérances et mes désirs. C'est depuis ce moment que je me suis habitué à la considérer, malgré moi, comme un être idéal, entouré d'une sorte d'auréole, que j'étais tout surpris de voir vivre de notre vie quand je m'attendais au contraire à la voir s'envoler avec de grandes ailes blanches. Ma maladie fut longue et douloureuse, avec plusieurs rechutes qui eussent découragé peut-être des parents, mais qui ne lassèrent ni la patience ni le dévouement d'Étiennette. Pendant plusieurs nuits, il fallut me veiller, car j'avais la poitrine prise de manière à croire que j'allais étouffer d'un moment à l'autre. Et ce furent Alexis et Benjamin qui alternativement se remplacèrent auprès de mon lit. Enfin, la convalescence arriva. Mais comme la maladie fut longue, capricieuse, et il me fallut attendre que le printemps commençât à reverdir les prairies de la glacière pour sortir de la maison. Alors, Lise, qui ne travaillait point, prit la place d'Étiennette, et ce fut elle qui me promena sur les bords de la Bièvre. Vers midi, quand le soleil était dans son plein, nous partions, et nous tenant par la main, nous nous en allions doucement suivis de Capi. Le printemps fut doux et beau cette année-là, ou tout au moins il m'en est resté un doux et beau souvenir, ce qui est la même chose. C'est un quartier peu connu des Parisiens que celui qui se trouve entre la Maison Blanche et la Glacière. On sait vaguement qu'il y a quelque part, par là, une petite vallée. Mais comme la rivière qui l'arrose est la Bièvre, on dit et l'on croit que cette vallée est un des endroits les plus sales et les plus tristes de la banlieue de Paris. Il n'en est rien, cependant, et l'endroit vaut mieux que sa réputation. La Bièvre, que l'on juge trop souvent parce qu'elle est devenue industriellement dans le faubourg Saint-Marcel, et non parce qu'elle était naturellement à Verrières ou à Rungis, coule là, ou tout au moins coulait là au temps dont je parle, sous un épais couvert de saules et de peupliers, et sur ses bords s'étendent de vertes prairies qui montent doucement jusqu'à des petits coteaux couronnés de maisons et de jardins. L'herbe est fraîche et drue au printemps. Les pâquerettes émaillent d'étoiles blanches sont tapis d'émeraudes, et dans les saules qui feuillissent, dans les peupliers dont les bourgeons sont enduits d'une résine visqueuse, les oiseaux, le merle, la fauvette, le pinson, voltigent en disant par leur chant qu'on est encore à la campagne et non déjà à la ville. Ce fut ainsi que je vis cette petite vallée qui depuis a bien changé, et l'impression qu'elle m'a laissée est vivace dans mon souvenir, comme au jour où je la reçus. Si j'étais peintre, je vous dessinerais le rideau de peupliers sans oublier un seul arbre, et les gros saules avec les groseilliers épineux qui verdissaient sur leur tête, les racines implantées dans leur tronc pourri, et les glacis des fortifications sur lesquels nous faisions de si belles glissades en nous lançant sur un seul pied, et la butte aux cailles avec son moulin à vent, et la cour Sainte-Hélène avec sa population de blanchisseuses, et les tanneries qui salissent et infectent les eaux de la rivière, et la ferme Sainte-Anne, où de pauvres fous qui cultivent la terre passent à côté de vous, souriant d'un sourire idiot, les membres ballants, la bouche mi-ouverte, montrant un bout de langue, avec une vilaine grimace. Dans nos promenades, Lise naturellement ne parlait pas, mais chose étonnante, nous n'avions pas besoin de paroles. Nous nous regardions et nous nous comprenions si bien avec nos yeux que j'en venais à ne plus lui parler moi-même. À la longue, les forces me revinrent et je pus m'employer aux travaux du jardin. J'attendais ce moment avec impatience, car j'avais hâte de faire pour les autres ce que les autres faisaient pour moi, de travailler pour eux et de leur rendre, dans la mesure de mes forces, ce qu'ils m'avaient donné. Je n'avais jamais travaillé, car si pénibles que soient les longues marches, elles ne sont pas un travail continu qui demande la volonté et l'application. Mais il me semblait que je travaillerais bien, au moins courageusement, à l'exemple de ceux que je voyais autour de moi. C'était la saison où les giroflées commencent à arriver sur les marchés de Paris, et la culture du père Aquin était à ce moment celle des giroflées. Notre jardin en était rempli. Il y en avait des rouges, des blanches, des violettes, disposés par couleur, séparés sous les châssis, de sorte qu'il y avait des lignes toutes blanches et d'autres à côté toutes rouges, ce qui était très joli. Et le soir, avant que les châssis fussent refermés, l'air était embaumé par le parfum de toutes ces fleurs. La tâche qu'on me donna, la proportionnant à mes forces encore bien faibles, consista à lever les panneaux vitrés le matin, quand la gelée était passée, et à les refermer le soir avant qu'elle arrivât. Dans la journée, je devais les ombrer avec du paillis que je jetais dessus pour préserver les plantes d'un coup de soleil. Cela n'était ni bien difficile ni bien pénible, mais cela était assez long, car j'avais plusieurs centaines de panneaux à remuer deux fois par jour et à surveiller pour les ombrer ou les découvrir selon l'ardeur du soleil. Pendant ce temps, Lise restait auprès du manège qui servait à élever l'eau nécessaire aux arrosages, et quand la vieille cocotte, fatiguée de tourner, les yeux encapuchonnés dans son masque de cuir, ralentissait le pas, elle l'excitait en faisant claquer un petit fouet. Un des frères renversait les seaux que faisait monter ce manège, et l'autre aidait son père. Ainsi, chacun avait son poste, et personne ne perdait son temps. J'avais vu les paysans travailler dans mon village, mais je n'avais aucune idée de l'application, du courage et de l'intensité avec lesquelles travaillent les jardiniers des environs de Paris, qui, debout bien avant que le soleil paraisse, au lit bien tard après qu'il est couché, se dépensent tout entiers et peinent tant qu'ils ont de force durant cette longue journée. J'avais vu aussi cultiver la terre, mais je n'avais aucune idée de ce qu'on peut lui faire produire par le travail en ne lui laissant pas de repos. Je fus à bonne école chez le père Aquin. On ne m'employa pas toujours au châssis. Les forces me vinrent et j'eus aussi la satisfaction de pouvoir mettre quelque chose dans la terre et la satisfaction, beaucoup plus grande encore, de le voir pousser. C'était mon ouvrage à moi, ma chose, ma création, et cela me donnait comme un sentiment de fierté. J'étais donc propre à quelque chose, je le prouvais, et ce qui m'était plus doux encore, je le sentais. Cela, je vous assure, paye de bien des peines. Malgré les fatigues que cette vie nouvelle m'imposa, je m'habituai bien vite à cette existence laborieuse qui ressemblait si peu à mon existence vagabonde de bohémien. Au lieu de courir en liberté comme autrefois, n'ayant d'autre peine que d'aller droit devant moi sur les grandes routes, il fallait maintenant rester enfermé entre les quatre murs d'un jardin et du matin au soir travailler rudement, la chemise mouillée sur le dos, les arrosoirs au bout des bras et les pieds nus dans les sentiers boueux. Mais autour de moi, chacun travaillait tout aussi rudement. Les arrosoirs du père étaient plus lourds que les miens et sa chemise était plus mouillée de sueur que les nôtres. C'est un grand soulagement dans la peine que l'égalité. Et puis je rencontrais là ce que je croyais avoir perdu à jamais, la vie de la famille. Je n'étais plus seul, je n'étais plus l'enfant abandonné. J'avais mon lit à moi, j'avais ma place à moi, à la table qui nous réunissait tous. Si, durant la journée, quelquefois Alexis ou Benjamin m'envoyaient une taloche, la main retombée je n'y pensais plus, pas plus qu'ils ne pensaient à celle que je leur rendais. Et le soir, tous autour de la soupe, nous nous retrouvions amis et frères. Pour être vrai, il faut dire que tout ne nous était pas travail et fatigue. Nous avions aussi nos heures de repos et de plaisir, courtes bien entendu, mais précisément par cela même plus délicieuses. Le dimanche dans l'après-midi, on se réunissait sous un petit berceau de vigne qui touchait la maison. J'allais prendre ma harpe au clou où elle restait accrochée pendant toute la semaine et je faisais danser les deux frères et les deux sœurs. Ni les uns ni les autres n'avaient appris à danser, mais Alexis et Benjamin avaient été une fois à un bal de noces aux mille colonnes, et ils en avaient rapporté des souvenirs plus ou moins exacts de ce qu'est la contredanse. C'étaient ces souvenirs qui les guidaient. Quand ils étaient là de danser, ils me faisaient chanter mon répertoire, et ma chanson napolitaine produisait toujours son irrésistible effet sur Lise. Fenesta vacha et patrona crudele. Quanta sospire, maie fato yetare. Jamais je n'ai chanté la dernière strophe sans voir ses yeux mouillés. Alors, pour la distraire, je jouais une pièce bouffonne avec Capi. Pour lui aussi, ces dimanches étaient des jours de fête. Il lui rappelait le passé, et quand il avait fini son rôle, il l'eût volontiers recommencé. 2 années s'écoulèrent ainsi, et comme le père m'emmenait souvent avec lui au marché, au quai aux fleurs, à la Madeleine, au château d'eau, ou bien chez les fleuristes à qui nous portions nos plantes, j'en arrivais petit à petit à connaître Paris et à comprendre que si ce n'était pas une ville de marbre et d'or, comme je l'avais imaginé, ce n'était point davantage une ville debout, comme mon entrée par Charenton et le quartier Mouffetard me l'avaient fait croire un peu trop vite. Je vis les monuments, j'entrai dans quelques-uns, je me promenai le long des quais, sur les boulevards, dans les jardins du Luxembourg, dans celui des Tuileries, aux Champs-Élysées. Je vis des statues. Je restai en admiration devant le mouvement des foules. Je me fis une sorte d'idée de ce qu'était l'existence d'une grande capitale. Heureusement, mon éducation ne se fit point seulement par les yeux et selon les hasards de mes promenades ou de mes courses à travers Paris. Avant de s'établir jardinier à son compte, le père avait travaillé aux pépinières du jardin des plantes, et là, il s'était trouvé en contact avec des gens de science et d'études dont le frottement lui avait donné la curiosité de lire et d'apprendre. Pendant plusieurs années, il avait employé ses économies à acheter des livres et ses quelques heures de loisirs à lire ses livres. mais lorsqu'ils s'étaient mariés et que les enfants étaient arrivés, les heures de loisir avaient été rares. Il avait fallu avant tout gagner le pain de chaque jour. Les livres avaient été abandonnés, mais ils n'avaient été ni perdus ni vendus, et on les avait gardés dans une armoire. Le premier hiver que je passai dans la famille Aquin fut très long, et les travaux de jardinage se trouvèrent, sinon suspendus, au moins ralentis pendant plusieurs mois. Alors, pour occuper les soirées que nous passions au coin du feu, les vieux livres furent tirés de l'armoire et distribués entre nous. C'étaient pour la plupart des ouvrages sur la botanique et l'histoire des plantes, avec quelques récits de voyage. Alexis et Benjamin n'avaient point hérité des goûts de leur père pour l'étude, et régulièrement, tous les soirs, après avoir ouvert leur volume, ils s'endormaient sur la troisième ou la quatrième page. Pour moi, moins disposé au sommeil ou plus curieux, je lisais jusqu'au moment où nous devions nous coucher. Les premières leçons de Vitalis n'avaient point été perdues, et en me disant cela, en me couchant, je pensais à lui avec attendrissement. Mon désir d'apprendre rappela au père le temps où il prenait 2 sous sur son déjeuner pour acheter des livres, et à ceux qui étaient dans l'armoire, il en ajouta quelques autres qu'il me rapporta de Paris. Les choix étaient faits par le hasard ou les promesses du titre, mais enfin c'était toujours des livres, et s'ils mirent alors un peu de désordre dans mon esprit sans direction, ce désordre s'effaça plus tard, et ce qu'il y avait de bon en eux me resta et m'est resté. Tant il est vrai que toute lecture profite. Lise ne savait pas lire, mais en me voyant plonger dans les livres, aussitôt que j'avais une heure de liberté, elle eut la curiosité de savoir ce qui m'intéressait si vivement. Tout d'abord, elle voulut me prendre ses livres qui m'empêchaient de jouer avec elle. Puis, voyant que malgré tout je revenais à eux, elle me demanda de les lui lire. Ce fut un nouveau lien entre nous. Repliée sur elle-même, l'intelligence toujours aux aguets, n'étant point occupée par les frivolités ou les niaiseries de la conversation, elle devait trouver dans la lecture ce qu'elle trouva en effet, une distraction et une nourriture. Combien d'heures nous avons passé ainsi, elle assise devant moi, ne me quittant pas des yeux, et moi lisant. Souvent je m'arrêtais en rencontrant des mots ou des passages que je ne comprenais pas, et je la regardais. Alors nous restions quelquefois longtemps à chercher. Puis quand nous ne trouvions pas, elle me faisait signe de continuer avec un geste qui voulait dire « plus tard ». Je lui appris aussi à dessiner, c'est-à-dire à ce que j'appelais dessiner. Cela fut long, difficile, mais enfin j'en vins à peu près à bout. Sans doute j'étais un assez pauvre maître, mais nous nous entendions, et le bon accord du maître et de l'élève vaut souvent mieux que le talent. Quelle joie quand elle traça quelques traits où l'on pouvait reconnaître ce qu'elle avait voulu faire. Le père Aquin m'embrassa. « Allons, dit-il en riant, j'aurais pu faire une plus grande bêtise que de te prendre. Lise te payera cela plus tard. » Plus tard, c'est-à-dire quand elle parlerait, car on n'avait point renoncé à lui rendre la parole. Seulement les médecins avaient dit que pour le moment, il n'y avait rien à faire et qu'il fallait attendre une crise. Plus tard, était aussi le geste triste qu'elle me faisait quand je lui chantais des chansons. Elle avait voulu que je lui apprisse à jouer de la harpe, et très vite ses doigts s'étaient habitués à imiter les miens. Mais naturellement, elle n'avait pas pu apprendre à chanter, et cela la dépitait. Bien des fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux qui me disaient son chagrin. Mais dans sa bonne et douce nature, le chagrin ne persistait pas. Elle s'essuyait les yeux, et avec un sourire résigné, elle me faisait son geste « plus tard ». Adopté par le père Aquin et traité en frère par les enfants, je serais probablement resté à jamais à la glacière sans une catastrophe qui, tout à coup, vint une fois encore changer ma vie. Car il était dit que je ne pourrais pas rester longtemps heureux et que quand je me croirais le mieux assuré du repos, ce serait justement l'heure où je serais rejeté de nouveau, par des événements indépendants de ma volonté, dans ma vie aventureuse.